village qu'a volé. On te laisse tout ça qui te donne cher. Rêve la casser, moi ça, moi qui brûle. Non, non, non, non. Jardin secret, ou parti sans dévoiler. Quand tu viens.